c'est celui que je connais. Les pains congelés, l'instant oublié, mais à côté c'est des filets, juste une mise en scène. Définir et se prier, s'exécuter, vers la visée, mentir, on le veut bien, à pour action, de nous apporter la réflexion, de réfléchir aux innocents pourcents, mais sans lui faire couler le sang. La tuer sans lui donner un sens, en y sent la fraîcheur d'un peu de sang.